Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un chat. Et il dit, bonjour, comment ça va? Maintenant, quel animal est-ce? Oh, ça c'est un chien. Et il dit, ça va très bien. Merci. Et toi? Et qui arrive maintenant? Je pense que c'est une vache. Et il dit, veux-tu du lait? Et qui arrive maintenant? Avec deux grosses oreilles, oh, c'est un lapin. Le lapin dit, non merci, je veux une carotte. Et qui arrive maintenant? Oh, je pense que c'est un singe. Et le singe dit, et moi, je veux une banane. Et finalement, qu'est-ce que c'est ça? C'est un animal qui habite à la ferme. Il est rose, c'est un cochon, et il dit au revoir.